Mais alors, comment le loup a-t-il fait son retour en France? Au XVIIIe siècle, les loups étaient très présents dans l'Hexagone. On les trouvait sur à peu près 90% du territoire. Mais entre 1764 et 1767, une série d'attaques sur des enfants en Haute-Auvergne et dans le Gévaudan déclenche une véritable crise. Et il y a de quoi. En 3 ans, on dénombre 115 victimes et 53 blessés. Elles seraient toutes le fait d'un seul loup, que l'on surnomme alors la bête du Gévaudan. La presse s'empare alors de l'affaire et un système de primes est mis en place par le roi pour capturer la bête. Après plusieurs semaines de traque, un loup finit par être abattu. Mais c'est trop tard. La psychose s'est installée et tous les loups sont traqués. Résultat, petit à petit, entre le XVIIIe siècle et 1930, le loup disparaît totalement de l'Hexagone. Et ça, jusqu'en 1992. Cette année-là, des gardes forestiers aperçoivent une silhouette qui ressemble à un loup dans le sud de l'Hexagone. Le retour des loups en France, on en a vu dans l'arrière-pays niçois, plus précisément dans le parc national du Mercantour. Le loup est donc de retour. Mais alors d'où vient-il? Eh bien, d'Italie, où là-bas, il n'a pas disparu. Car les Italiens ont un rapport différent au loup. Il est d'abord très présent dans leurs croyances. On le retrouve par exemple dès la fondation de Rome avec Romulus et Rémus recueillis par une louve, mais aussi dans la légende du loup de Gubbio qui raconte l'histoire d'un pacte passé entre saint François d'Assise et un loup en 1220. Le religieux avait promis à l'animal qu'il ne serait plus traqué s'il n'attaquait plus les villageois. Mais ce n'est pas tout. En Italie, le loup est aussi protégé depuis longtemps par la loi qui interdit de le chasser. Ainsi, les loups installés au centre de l'Italie sont devenus de plus en plus nombreux et ont fini par franchir les Alpes. Allez, bim, on démarre. On est dans le... au Rouge Cloître. C'est la forêt de Soignes, en fait. Oui, le début de la forêt de Soignes. Donc oui, on est au Rouge Cloître, au début de la forêt de Soignes. Bon, il n'y a pas de loup ici, mais une nature assez variée. On entend le rouge-gorge autour de nous, le troglodyte, etc. Donc c'est un lieu quand même assez sympa. Et on vient d'entendre Corentin Rousseau. C'est rigolo, Rousseau. Hein. Vous êtes de la famille? Mon grand-père était douanier, mais je ne fais pas vraiment partie de la grande famille du douanier Rousseau. Hein. Mais non, donc je pense que ce nom de famille est assez commun et beaucoup de gens s'appellent Rousseau et n'ont aucun lien avec ces personnages illustres. C'est rigolo ça, hein, Rousseau. Et alors, tu es biologiste, toi, Quentin? Oui, Corentin. Corentin, pardon. Pas de souci. Oui, donc je suis biologiste, je suis passionné par la nature depuis tout petit. Et donc j'ai toujours été attiré par cette nature, curieux. Et donc je me pose toujours beaucoup de questions quand je vois cet oiseau, cette plante. Ben, qu'est-ce que c'est? D'où il vient? Est-ce qu'il y a une grande population? Est-ce qu'il y a des menaces? Parce que la nature est menacée. Donc voilà, j'ai voulu étudier la biologie et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je travaille dans la protection de la nature, mais les week-ends, j'adore toujours aller me promener, observer la faune, la flore, chercher quelques champignons aussi. Donc voilà, pour moi, la nature est fort importante pour mon métier, mais aussi dans ma vie en général. Mais comment ça t'est venu, tu sais? Tu sais dire qu'est-ce qui... La chose essentielle, tu dis, ah, mais ça a quand même été bien transmis. Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents ou bien de ton entourage pour te dire, ah ben tiens, moi j'ai envie de passer du temps avec cette nature? Je pense que mes parents étaient aussi assez curieux. On avait une petite maison à la campagne avec quelques moutons. On mettait parfois un nichoir ou l'autre. Et mon père faisait partie d'une petite SBL, surtout pour restaurer le patrimoine du village. SOS Ligne, ça s'appelait. Ligne, parce que le cours d'eau qui passait dans le village s'appelait la Ligne, tout simplement. Et donc, dans ce cadre-là... Excuse-moi, mais dans quel village? Ligny, dans la commune de Sombref, donc entre Charleroi et Gembloux. Okay. Et dans ce cadre-là, mon père et ses acolytes restauraient aussi des vieux arbres qui tombaient un peu en déchéance, ce qu'on appelle les saules têtards. Donc, c'est des arbres taillés... surtout dans les prés, pour les vaches, pour qu'il y ait de l'ombre, etc. Et c'est des arbres qui abritent une grande biodiversité, notamment la chouette chevêche, une petite chouette qui vit dans nos campagnes. Et donc, on a cette ASBL qui restaurait surtout du patrimoine, a commencé à restaurer plus des sites naturels. Et dans ce cadre-là, ben, on allait observer parfois la chouette chevêche, on allait placer des nichoirs. Et donc, petit à petit, ben, on baguait aussi ces chouettes pour un peu connaître où elles allaient quand elles étaient jeunes. Donc, j'avais des petites chouettes en main et tout. Je pense que ça m'a beaucoup passionné. Oui, d'accord. Je comprends que tu es tombé dedans depuis que tu es tout petit, alors. Donc, voilà. Donc, je suis tombé dedans dans la marmite, comme on dit, depuis que je suis tout petit. Et mon cousin aussi, qui était passionné de nature, m'emmenait aussi régulièrement sur le terrain. Et puis, j'ai fait partie, à partir de mes 10-12 ans, de l'ASBL Jeunes et Nature. Donc, c'est un peu un mouvement de jeunesse qui fait des activités le week-end de découverte de la nature à travers des jeux, etc. Et aussi des camps d'été. Et donc là, j'ai tissé des liens avec d'autres jeunes amoureux de la nature qui sont toujours mes amis maintenant. Et donc, voilà, c'est aussi grâce à ça, je pense, que ma passion a pu continuer et s'étendre et découvrir de nouveaux sujets aussi. Oui, alors nous, on se rencontre parce que j'ai lu un article dans un journal qui parlait de toi comme biologiste et le plan loup en Wallonie, le retour du loup en Belgique, ça y est. Et du coup, j'avais envie de te rencontrer pour ça, parce que pour moi, l'histoire du loup, elle est bien emblématique aussi un peu... avec l'histoire des hommes, quoi, avec l'histoire... C'est une histoire un peu politique. Évidemment, on ne parle pas ici des partis, mais c'est une histoire avec des éleveurs, avec le lobby de la filière ovine, le flux scientifique, les chasseurs. Hein. C'est une histoire, mais c'est très concret en même temps. Hein. Et donc, comme il y a ce plan du loup en Wallonie qui est récent, qui n'est même pas encore sorti. Donc, le loup est revenu, je pense que la première observation qui n'a pas été vraiment validée, c'est en 2011. Donc en fait, il y avait des journalistes flamands qui faisaient un reportage sur la nature en Belgique et qui essayaient de trouver le lynx, donc un grand félin qui est hélas, normalement, je ne pense pas présent en Belgique. Et donc, ils ont su qu'un éleveur s'était fait attaquer quelques moutons. Et donc, ils ont été mettre un piège photo. Donc, c'est un appareil photo qui se déclenche grâce à des mouvements et qui est venu remanger le mouton la nuit d'après. C'était un loup. Et donc, on a eu le premier loup en 2011. Puis qui a mangé le mouton la première fois? Bah, c'était bien le loup et pas le lynx. Donc, ils espéraient un lynx, mais ils avaient quand même eu un loup, ni un renard, ni un chien qu'on aurait pu peut-être attendre aussi. Hein, et la probabilité est beaucoup plus élevée d'avoir ces espèces-là. Et donc, après, on a encore attendu quelques années avant de revoir un loup passer chez nous. Et surtout, un loup s'installer. C'était en 2018. Donc, ça a pris quand même du temps hein, avant que le loup s'installe. Donc, première observation en 2011 et puis première installation en 2018. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis installation ? Donc, en fait, le loup, comme vous le savez tous, hein, il vit en meute. Hein, et donc, la meute en Europe, la plupart du temps... il y a toujours des exceptions, c'est le couple reproducteur avec ses jeunes de l'année et parfois des jeunes d'un an ou deux. Et ces jeunes d'un an ou deux, ben parfois, comme nous les humains, ils en ont un peu marre de papa-maman. Hein. Et donc, ils vont chercher leur propre territoire seuls. Ils se déplacent seuls dans le paysage. Et là, ils peuvent faire d'énormes distances, plus de 1000 km. Donc, on a des loups qui passent de l'Italie dans les Vosges, des Alpes vers les Pyrénées... de l'Allemagne, ils traversent toute la Pologne pour aller vivre en Biélorussie. Donc, il y a des mouvements vraiment gigantesques. Et donc, il y a des loups qui passent en Belgique. On pense qu'il y a déjà au moins plusieurs dizaines de loups qui ont traversé la Belgique depuis plus d'une décennie. Et puis, ben, il y a des loups, ils se disent « Waouh, ici, c'est un beau territoire, je vais peut-être m'installer et y rester ». Parfois, au bout d'un mois, ils se disent « Ah, mon choix n'était peut-être pas le bon et il faut encore 200 km ». Et donc là, on a des loups qui passent, qui sont en dispersion. Donc c'est un terme biologique pour dire qu'ils quittent leur habitat natal pour en trouver un nouveau. Et on a des loups qui s'installent parfois alors chez nous. Mais pour l'instant, ils se comptent sur les doigts d'une main pour le moment. Alors c'est quoi un peu l'histoire du loup ? J'imagine que tu ne la connais pas hein, depuis son origine. Tu la connais depuis quand ? Comment ? Mais donc l'histoire du loup est... est très complexe, je dirais. Et comme je l'expliquais, la meute, c'est un peu un couple reproducteur avec ses jeunes. Et je pense que ce couple reproducteur avec ses jeunes, ça a peut-être une image aussi de la cellule familiale humaine. Et donc, peut-être que ça lie inconsciemment l'homme au loup. Et il faut savoir que le loup aussi, ça a été la première espèce à être domestiquée par l'homme. Et ça a donné le chien, hein, donc on peut même avoir des hybrides encore avec le chien et le loup. Il paraît que tous les chiens viennent du loup, quoi. Même le petit chihuahua, on a difficile à le croire, mais il paraît, avec des mélanges et tout, hein, mais l'origine c'est le loup. Tout à fait, c'est bien le loup. Donc on remarque en fait quand on sélectionne des animaux pour leur gentillesse, pour leur calme, pour leur trait assez enfantin. En fait, on voit que les chiens, ils sont très joueurs, hein, et en fait c'est des traits plutôt immatures. Les loups, ils ne jouent pas trop à aller chercher un bâton, mais les chiots ou les louveteaux peuvent le faire. Et donc, on a sélectionné fortement des traits de caractère chez le loup. Et au fil du temps, il est devenu le chien. Et on remarque, en fait, quand on sélectionne des traits de caractère, ben, c'est parfois des gènes qui sont assez proches de gènes physionomiques, de la physionomie du chien ou du loup. Et donc, en sélectionnant des caractères de docilité, par exemple, on voit que on a aussi des caractéristiques physiques qui changent. Et ça, on l'a remarqué surtout, hélas, dans les élevages de fourrure, où c'est plus facile d'élever, par exemple, des visons ou des renards qui sont plus dociles que sauvages. Et donc, on voyait, en fait, que leur fourrure changeait, ce qui n'était pas toujours idéal pour cette industrie qui est dramatique, je dirais. Et donc, on voit, en fait, que la domestication du loup, elle date d'il y a plus de 20 000 ans, hein, quand même. Elle a donné en effet des chiens et des races très variables et parfois avec une pression de sélection très forte aussi. Quand on voit les concours canins, ben, les plus beaux chiens peuvent vraiment beaucoup se reproduire et les chiens moins cotés, va-t-on dire, se reproduisent moins bien. Donc on a une pression de sélection humaine. On les fait se reproduire, c'est ça? Oui. Se reproduire. Tout à fait, c'est pas très naturel. C'est ça, ouais. Hein, donc, non, mais... Oui. On a un chien A et un chien B, et on veut vraiment que donnent des jeunes ensemble. Donc on les met ensemble pendant quelques semaines dans la même pièce. Et au final, ça donne en effet des petits chiots. Et là, il n'y a aucune liberté d'action pour les chiens. C'est des animaux ultra domestiqués la plupart du temps, en effet. Mais donc, revenons. Moi, j'ai lu quoi, il y a un siècle qu'on n'a plus que le loup a disparu de nos régions à nous. Tout à fait. En Belgique. Quand je dis à nous, c'est pas à moi, c'est bête ce que je dis. C'est pas les miennes, c'est pas ma région. Non, ouais. Donc le loup a été depuis quand même plusieurs siècles pourchassé, hein, de toute l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Excuse-moi si chaque fois je fais comme ça, hein, mais c'est parce que comme ça accentue. Où je pose une question comme ça, on passe. Mais c'est plutôt éradiqué. En fait, éradiqué, ça veut dire qu'il n'en restait plus aucun, dans les termes techniques. Mais dans nos régions, oui, il n'y avait plus de loups. Tout à fait. Donc, il a disparu fin des années 1800, début des années 1900. Beaucoup de fiers chasseurs disent qu'ils ont tué le dernier loup et on ne sait pas vraiment. C'est quand et à quel endroit. Mais au début des années 1900, il y avait peut-être l'un ou l'autre loup qui traversait la Belgique, mais il n'y avait plus de loup établi. Et donc, en effet, quand il est revenu en 2011, ça faisait plus d'un siècle qu'il avait disparu de nos contrées. Et il y avait heureusement quelques populations assez petites qui subsistaient en Europe, que ce soit en Espagne, dans le nord-est espagnol, dans le centre de l'Italie, les Apennins, en Pologne, dans les Carpates. Et par exemple, en Scandinavie, qui sont des pays très sauvages, avec une faible densité de population, il restait en 1870-80 seulement 2 à 3 loups. Et donc, ils étaient très consanguins hein, aussi. Et donc, même dans des régions ultra sauvages, avec une densité de population si faible, on a réussi, ce qui ne peut pas en être si fier, à éradiquer cette espèce. Et heureusement, il y a eu une certaine conscientisation que la nature, ben, on pouvait faire disparaître des espèces. On avait besoin de cette nature aussi. Quand tu dis « on », c'est l'être humain. L'être humain, tout à fait. Et nos sociétés plus occidentales, peut-être. Hein. Dans les années 50-60, il y a eu une certaine ouverture d'esprit à ce niveau-là. Et il y a eu les premières législations de protection de la nature, avec des espèces protégées, souvent quelques au début. Et dans les années 70, là, il y a vraiment eu la Convention de Berne, notamment, qui a protégé le loup en Europe. C'était assez facile de le protéger à l'époque parce qu'il restait 30 loups, 50 en Italie, peut-être plus d'une centaine en Espagne, quelques dizaines. Donc c'était facile de signer, oh oui, on veut bien le protéger, il n'y en a de toute façon presque plus. Oui, mais n'empêche, c'est important puisqu'on voit que c'est grâce à cette protection. Ça veut dire quoi, une protection? Ça veut dire que si on les tue, on a un souci avec la loi, quoi, c'est ça? Exactement, oui. Donc ça veut dire qu'on fait du braconnage, c'est une espèce protégée. Donc on peut avoir une amende, on peut aller en prison. Donc ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Et même en Belgique, ça dépend d'une région à l'autre. Par exemple, ici à Bruxelles, la chasse est interdite et on peut avoir un certain type d'amende, en Flandre un autre et en Wallonie un autre. Donc c'est des législations parfois assez complexes. Hein. Mais en effet, cette protection de l'espèce a permis aux populations de loups de récupérer petit à petit et donc de s'étendre. Hein. Et comme le loup peut se disperser très loin, à plus de 1000 km, il est protégé dans les années 70. En 1992, d'Italie, les premiers loups reviennent en France. Hein, et on a un couple notamment dans le Mercantour. Au début des années 2000, on a aussi les premiers loups qui arrivent de Pologne en Allemagne. Et en 2010, 2011, on a les premiers loups en Belgique. Donc on voit qu'ils peuvent avancer quand même assez vite à la base de populations relictuelles assez faibles. Donc cette protection de la nature, de l'espèce loup et d'autres espèces en particulier a vraiment eu un impact fort sur ces populations. Mais il faut savoir aussi qu'en même temps, on a une déprise agricole. Et donc, ça veut dire quoi, une déprise? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. On a aussi des gens qui vont des villages plus vers les villes. Donc on a des zones, par exemple, en alpage qui sont laissées à l'abandon. Elles étaient gérées par des éleveurs et leurs moutons et elles ne le sont plus du tout. On a aussi des espèces plutôt d'herbivores qui se portent mieux aussi et qui sont les proies du loup. Par exemple, le chevreuil, la biche, le sanglier. Ils étaient quand même fort chassés dans les années 40, 50, 60. Et fort chassés par le loup ou par les chasseurs? Mais comme il n'y avait plus beaucoup de loups, c'était plutôt par les chasseurs. Voilà. Bon, les loups s'en nourrissaient aussi, mais comme il n'y en avait plus beaucoup, il n'avait pas un impact très fort sur ces populations. Et donc, on n'avait plus de chasse sur le loup. On avait des populations de proies pour le loup qui étaient en augmentation et on avait moins en moins de gens dans les zones très sauvages. Et ces trois facteurs ont permis aux loups de revenir dans tous les pays en fait d'Europe, sauf la Grande-Bretagne, il ne s'est pas traversé la Manche. Et donc on en a dans le nord du Danemark, on en a en Flandre, on en a parfois maintenant dans l'ouest de la France aussi. Il étend son aire de répartition et c'est grâce à ce qu'on appelle un trait d'histoire de vie, une caractéristique du loup, c'est cette propension à se disperser quand même assez loin de sa meute. On a beaucoup d'espèces, j'ai parlé du lynx par exemple, qui n'a pas du tout ces stratégies-là. En fait, quand il va être dans le territoire maternel, hein, parce que la plupart des félins, c'est seulement la mère qui s'occupe des jeunes, et une fois qu'il a un an environ, il va aussi chercher son propre territoire, et lui, ce qu'il fait, c'est, la plupart du temps, il s'établit à côté du territoire maternel. Parfois, ce territoire est déjà occupé, donc il va un peu plus loin, mais il va rarement à plus de 100 km, très rarement à plus de 100 km du territoire maternel. Et donc, comme les populations de lynx, elles sont à plus de 400 km de la Belgique, ça va être très difficile d'avoir du lynx qui va revenir naturellement chez nous et s'établir aussi dans d'autres régions d'Europe. Ça va prendre vraiment potentiellement plusieurs siècles, en fait. Et donc, Là, pour le lynx, tu parles. Parce qu'en fait, là, tu parles du lynx. Je parle bien du lynx. Parce qu'en fait, on ne l'a pas encore dit, mais le lynx serait aussi dans le fait de un retour du lynx. En Belgique, je ne sais pas si c'est bon de dire retour, est-ce qu'il y en a déjà eu? Donc il y a en effet eu des lynx en Belgique jusqu'en 1700-1800, c'est beaucoup moins clair. Le lynx est moins présent dans l'imaginaire collectif, dans la société, c'est un animal plus discret, qui a moins d'interaction avec l'homme et ses activités, que ce soit la chasse ou l'élevage. Et donc c'est moins précis historiquement quand il a disparu de Belgique, mais il était bien présent. Et le lynx a aussi été protégé par les mêmes législations que le loup. Et on remarque qu'il y a des populations qui sont en augmentation, mais comme il a une caractéristique un peu différente, que ce soit par la dispersion plus faible, il est aussi un peu moins flexible que le loup. Le loup, il s'adapte assez bien à différents milieux, à différents types de proies, à parfois une présence d'hommes pas trop lointaine, tandis que le lynx est un peu plus discret, un peu moins téméraire peut-être. Hein. Et donc il profite de ces législations protection. Il profite d'un nombre de proies plus élevé, par exemple le chevreuil, mais il a quand même du mal à étendre son aire de répartition. Et donc, il a disparu de Belgique. Il y a eu quelques observations dans les années 90-2000 en Belgique, mais on pense que c'est peut-être des réintroductions illégales. Et depuis, il n'y a plus beaucoup ou plus aucune observation, hélas. Donc, cette population qui était issue de réintroductions illégales a potentiellement disparu de chez nous. Ça veut dire quoi, ça, réintroduction illégale ? Donc, quand on sait qu'une espèce aura du mal à revenir naturellement à un endroit donné, comme la Belgique, disons, on peut le réintroduire. Donc, prenons... On le prend dans une voiture. Il y a différentes stratégies de réintroduction. On peut en effet aller le capturer bien loin où la population se porte plutôt bien. Et donc, s'il y a beaucoup de lynx ou beaucoup de castors, par exemple, à un endroit, les scientifiques peuvent demander les autorisations à l'administration pour capturer souvent ces espèces protégées. Donc, elles sont interdites à la capture, donc il faut un permis. Et ensuite, pour les réintroduire. Et là, il faut un permis aussi. Et donc, réintroduction illégale, c'est quand on n'a aucun permis, ou la moitié des permis, et qu'on le fait sans l'accord de l'administration. Et donc là, il n'y a jamais eu aucun accord pour réintroduire des lynx de la part de l'administration. Mais tout à coup, on a vu apparaître des lynx dans la nature. Il y a eu quelques photos de ces lynx, quelques traces dans la neige. On a trouvé quelques carcasses de chevreuils dévorées, mangées par ces lynx. Et donc, comme ils sont arrivés un peu de nulle part, on n'a aucune preuve de ces réintroductions illégales, mais on sait bien qu'il n'y en avait plus, et tout d'un coup, ils arrivent, donc voilà, ça laisse soupçonner une réintroduction illégale, parce que la probabilité qu'ils reviennent naturellement est extrêmement faible, parce qu'ils n'ont pas cette caractéristique de pouvoir se disperser, se déplacer à plusieurs centaines de kilomètres, et dès qu'ils croisent un canal, ou une autoroute, ou une ligne TGV, ils sont un peu bloqués, et font plutôt demi-tour qu'essayer de la traverser à tout prix. Tandis que le loup, ce qu'il peut, il peut bien sûr nager, il utilise aussi beaucoup les ponts la nuit, il n'y a aucune voiture, aucune personne dessus, et il va traverser ces infrastructures qui vraiment fragmentent le paysage, surtout en Europe. Allez, on reprend notre loup, là. Le plan loup en Wallonie, mais qui n'est pas encore, comme tu viens de le dire, là, c'est pas encore fait, ce plan, quoi. Il est en cours. Alors, moi, j'ai entendu, en 2019, je ne sais plus quel mois, il y a un gars qui se promène dans les Hautes-Fagnes et il tombe nez à nez avec un loup, quoi. Et il le prend en photo. Hop, preuve directe que le loup est de retour, quoi. Ça, c'est une chose. Tu as envie de dire quelque chose là-dessus ? Oui, donc... On a remarqué qu'il y avait un loup dans l'est de la Belgique depuis, je pense, juin 2018. Donc, avec ces fameux pièges photos, en fait, qui étaient mis pour étudier plutôt les cervidés, bon, on a remarqué qu'un loup était passé devant. Et ce qui est, on avait un peu un soupçon de sa présence. En effet, dans certains massifs par là-bas, on étudie aussi les populations de cervidés, notamment la biche. Et une biche avait un collier GPS pour bien comprendre ses mouvements, où elle allait se nourrir, etc. La pauvre. Ah, mais c'est ça, tu vois, parce que tout, on dit la technique est toujours on va dire au bon service, mais ça n'empêche, quoi. Je veux dire, moi, je détesterais être à l'état sauvage et qu'on me mette un collier. Enfin, c'est toute une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire, et on essaie justement que les colliers, enfin, moi, je ne mets pas de collier, mais soient les plus légers et soient les moins perturbants pour l'animal. Je m'en doute. Heureusement, hein. Et donc, cette biche était très âgée, elle avait plus de 14 ans, je pense. Et à un moment, cette biche ne bougeait plus. Et donc, les agents forestiers ont été voir ce qui se passait. Et elle avait été tuée par un grand prédateur. Et les indices laissaient soupçonner le loup. Et quelques semaines par la suite, on a découvert le loup passant devant le piège photo. Donc, et là, ce qui est intéressant à remarquer, c'était une biche fort âgée qui n'était plus en forme. Elle avait peut-être un peu d'arthrose, etc. Et donc, voilà, le loup a prédaté une biche qui était peut-être pas dans la force de l'âge et traînait un peu la patte. Et donc, elle était certainement plus facile à attraper. Elle se laissait plus facilement attraper que peut-être ses acolytes qui pouvaient courir bien vite. Mais c'est ça la loi de la nature, quoi. Tout à fait. Ben, tout à fait. Il y a des herbivores qui se font prédater. Et cette prédation... par le passé, n'était que seulement dû aux chasseurs. Et il faut comprendre aussi que on a besoin du bois pour faire ce pot caillebotis, pour faire nos tables, etc. Et que s'il y a trop d'herbivores, ils peuvent quand même faire de nombreux dégâts aux forêts. Et donc, moi, personnellement, je peux comprendre qu'on chasse parce qu'on a besoin de bois, on a envie de voir des forêts en bonne santé. Et en l'absence de grands prédateurs, on peut comprendre qu'on gère un peu ces grands herbivores. Et donc maintenant, ces grands herbivores ne sont plus seulement prédatés par l'humain, mais aussi par le loup, qui a une autre stratégie de prédation que celle du chasseur. Donc le loup, il va prédater plutôt les animaux qui se laissent attraper. Donc parfois des faons, qui courent quand même moins vite, qui sont parfois laissés quelques heures par leur mère qui va se nourrir. Oh, mais c'est petit, un faon. Hein. Oui, c'est petit. C'est petit. Hein. Ça peut nourrir. Petit de la biche. C'est le petit de la biche. C'est plus facile à attraper qu'une biche adulte ou qu'un grand cerf, bien sûr. Et les animaux malades, blessés ou âgés se laissent aussi plus facilement attraper par le loup. Tandis que le chasseur, il va utiliser différentes techniques de chasse. Donc il y aura la battue où il va pousser les animaux vers une ligne de chasseurs. Et là, il y a une sélection assez faible. On ne regarde pas si c'est une biche qui boite un peu de la patte arrière. On n'a pas trop le temps. Les animaux, ils courent au galop. Et il faut tirer et bien viser. Donc on n'a pas le temps de trop réfléchir. Puis il y a la technique de l'affût où on se met caché, parfois dans un petit mirador, et on attend qu'un animal passe. Et là, on peut avoir une sélection assez forte. Ah, ce beau cerf, peut-être qu'il va donner une bonne progéniture. On va le laisser, il a la force de l'âge. Ah, ce cerf plutôt âgé, il est temps de l'éliminer de la population. Donc, là, on a différents types de sélection, de pression de chasse sur les grands herbivores, qui est fort variable d'une personne à l'autre, d'un chasseur à l'autre. Il y a des règles aussi à suivre qui sont dictées par l'administration. Et il y a aussi une grande variabilité en fonction du type de chasse qu'on va mettre en œuvre sur le territoire. Et le loup, il aura une technique plutôt opportunistique, on va dire, opportuniste. Il va J'ai lu ce mot chaque fois, on dit de lui, mais j'imagine que peut-être si le loup avait la parole, jamais il parlerait de lui comme ça. Mais tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que comment on interprète le loup. Et donc, je vois que tu reprends le même mot, le loup est opportuniste. Mais moi, je le vois, enfin, c'est une drôle de manière de parler, tu ne trouves pas? En fait, toutes les espèces, on va dire animales, mais même végétales, vont essayer d'aller au plus simple, on va dire. Nous, on va régulièrement au plus simple. Parfois, on en a marre de faire à manger. On va acheter... Tu trouves qu'on va régulièrement au plus simple? Pour se nourrir, peut-être. Enfin, non, on peut être très complexe. Non, c'est... Ouais. Moi, je trouve que ce n'est pas le bon... Oui. Prenons peut-être d'autres exemples. Une biche, on parlait de la biche, elle va essayer de prendre l'herbe la plus tendre, la plus proche d'elle. Elle ne va pas nécessairement faire 4 km pour aller manger à un autre endroit. Moi, j'en sais rien, ça. Elle est opportuniste, elle va profiter du coin local. En fait, toutes les espèces sont assez opportunistes. Mais c'est un drôle de mot, opportuniste. Moi, je dirais, c'est son instinct qui lui dit de faire comme ça, parce que c'est... Enfin, tu vois, je trouve le mot opportuniste, c'est pas joli, quoi, pour parler de ces bêtes, quoi. Non, mais ça fait... Mais je trouve que c'est bien là l'interprétation de l'humain qui parle, quoi. Je trouve ça, opportuniste. C'est un mot qui, quand même, qui veut dire... j'essaye de faire un plan dans ma tête pour... Tu vois, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Mais je devais peut-être rajouter deux choses. C'est que le loup, comme je l'ai dit, il est assez flexible. Et donc, par exemple, s'il y a beaucoup de biches, disons, ou beaucoup de chevreuils, il va plutôt, comme il a l'opportunité d'en prédater beaucoup, il va plutôt se nourrir de ces espèces-là. Donc ça, c'est une première chose. Et je te rejoins aussi sur le fait qu'opportuniste, c'est un peu spécial pour parler du loup, parce qu'on remarque aussi de plus en plus que chaque animal, individu, a sa propre personnalité. On a fait notamment des études sur les mésanges, le petit oiseau qui vient à nos mangeoires, et on remarque qu'il y a des mésanges qui sont plutôt téméraires, et d'autres qui sont plutôt timides. C'est des mésanges qui ont beaucoup qui, on va dire, se déplacent beaucoup avec d'autres mésanges et d'autres avec seulement un groupe restreint de mésanges. Donc, on a vraiment des personnalités différentes chez les mésanges. Et chez le loup, c'est la même chose, encore plus marquée en fait. Et donc, en Finlande notamment, ils ont mis des fameux colliers GPS sur pas mal de loups. Et donc, ils comprennent vraiment bien l'écologie, l'éthologie, le comportement du loup. Et un scientifique expliquait qu'il avait mis deux colliers, un sur chaque, deux jeunes louves de la même meute, donc avec normalement ce qu'on pourrait appeler la même éducation des parents, le même background, le même bagage culturel même. On pourrait dire qu'il y a une culture dans la meute. Hein. Et une louve était plutôt téméraire, très téméraire, et allait parfois dans les villages tuer des chiens. C'était pas toujours évident pour la bonne cohabitation avec le loup. Et une autre, la sœur donc de cette louve, était extrêmement timide et ne s'approchait jamais des villages. Et donc, on voyait des comportements extrêmement différents et on ne pouvait pas appeler ça de l'opportunisme. C'était vraiment une individualité. Et donc, je pense que oui, c'est vraiment curieux de savoir ça et on ne se rend pas toujours compte. Et on est un peu encore... je pense, imprégné de la philosophie de Descartes qui décrivait l'animal comme une machine et qu'elle n'avait pas de... ressentait pas la douleur, elle n'avait pas d'émotion, etc. Elle n'était pas sensible, elle quoi. Elle n'était pas sensible. Et là, on remarque que même, que ce soit des petites mésanges ou plutôt des grands canidés comme le loup, en fait, on a des personnalités très complexes et des animaux sensibles et très différents, parfois l'un l'autre, même si on est deux sœurs de la même meute. Donc, c'est vraiment très intéressant... aussi à prendre en compte, et ça vient peut-être un peu casser ce terme opportuniste. Ils ne sont pas nécessairement opportunistes, puisqu'ils ont des comportements très divergents, alors qu'ils sont dans le même habitat, etc. Donc, je te rejoins à ce niveau-là, oui. Ah, mais j'ai un petit peu regardé, tu sais, et ce mot opportuniste revient systématiquement aussi. Donc, tu vois, c'est drôle de parler comme ça, mais ouais. Voilà. Mmh. Et donc, on va... continuer un petit peu alors avec cette histoire de loup et son retour, ça veut dire que les ministres, le gouvernement, va devoir mettre en place quelque chose en place oui. pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce loup, le grand point d'interrogation. Mais moi aussi, j'avais envie d'aborder, avant d'arriver à ce sujet-là, de se dire, l'être humain, il est quand même fou, quoi, parce que d'abord, il éradique le loup de la Belgique. Heureusement, ailleurs, il y a sa protection. Donc, du coup, le loup n'a pas disparu. Il revient, il est de retour, là. Et puis, maintenant, l'air du temps dit il y a la protection de la nature et donc la protection du loup. Et du coup, les éleveurs sont dans l'angoisse, les chasseurs ne sont pas contents. Ça crée aussi de nouveau toutes sortes de choses. Et aussi de prendre conscience que dans l'histoire, par exemple, le loup a été vachement diabolisé, quoi, hein. Et j'avais lu aussi quelque part que c'était l'histoire, la logique avec l'industrialisation qui se met en place... l'urbanisation, ouais. Tu vois, l'économie de production, et bien évidemment, quand on commence à faire de l'élevage et de l'agriculture intensive, du coup, le loup, hop, il faut le baquer, quoi. Donc, c'est une suite logique. Tu vois, je trouve ça dingue, le monde dans lequel on est, et les animaux, ils doivent rien capter, si jamais ils avaient envie de capter quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? En effet, l'histoire du loup reflète un peu l'évolution de notre société, je pense, où au Moyen-Âge notamment, on avait des petits éleveurs qui essayaient de survivre parfois, et le loup venait parfois prédater leurs troupeaux, donc ils souhaitaient éliminer ce loup, hein, ils le voyaient comme une concurrence. Et ce qu'il y a à l'époque, c'est que le loup aussi avait la rage parfois, et donc, quand il mordait un humain, cet humain mourait. Et parfois, un loup rentrait dans un village et mordait une dizaine de personnes qui mouraient. Oui, à mon avis, des cas comme ça, ça devait être rare, quoi. Et on met souvent ça en avant, tu vois. C'était rare et ça arrivait peut-être une fois par siècle dans une région. Je ne suis pas historien, donc je ne connais pas ces chiffres. Mais ça devait marquer tout le village pendant des décennies. Il faut bien se rendre compte que... Et il n'y avait pas que le loup, parfois un renard venait, parfois d'autres espèces. Et donc là, on avait parfois des mythes qui se créaient, des légendes à travers... Avec le loup, très fort, hein. Très fort, oui. Mais c'est comme je pense, toutes ces légendes sont aussi à remettre, je pense, dans un contexte où on vivait proche de la nature. Et donc on rencontrait beaucoup plus souvent le loup. ou dans un contexte où il y avait beaucoup plus d'élevage en forêt, on venait faire paître les animaux en forêt, dans un élevage, dans un monde où il y avait aussi l'arrache qui était quand même en danger, et dans un monde aussi où il y avait la forêt qui était parfois impénétrable au-delà d'une certaine limite, et donc il y avait toutes des légendes, des histoires autour de cette forêt. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on savait que le loup existait. Donc, on savait, par exemple, que ces bêtes, bah, il fallait les rentrer. Enfin, tu vois, il ne faut pas prendre non plus. Moi, on faisait avec ce loup, quoi. Et j'imagine que ce loup, il était plus tenté à aller attaquer les biches que l'humain. Parce que l'humain, regarde, il a été maté, hein, le loup, avec l'humain. Oui, je pense qu'il attaquait extrêmement rarement l'humain, mais parfois, une biche, ça court quand même vite, et comme je le disais, le loup va essayer d'attraper les animaux qui se laissent le plus facilement attraper, et parfois un mouton ou un veau peut se faire très facilement attraper qu'une biche qui court très vite. Et donc là, on a quand même, il ne faut pas le nier, une prédation qui peut être parfois élevée, dans un troupeau d'animaux domestiques humains. Et ce qui est aussi, on connaît tous un peu l'histoire, peut-être pas tout le monde, mais quand un renard rentre dans un poulailler, toutes les poules vont être affolées. Peut-être une va couver, et c'est ça la seule qui va survivre, parce qu'elle va rester bien calme sur son nid. Et toutes les autres vont voler dans tous les sens, ce qui va créer de nombreux stimuli au renard. Donc même s'il a tué une poule, il va voir une poule qui bondit à côté de lui et il va avoir les stimuli de prédation qui vont se réenclencher. Il va prédater toutes les poules. Et parfois, le loup, quand il rentre dans un enclos, il va avoir un peu la même chose. Il va tuer un mouton pour se nourrir et puis tous les moutons seront affolés et ils vont courir tout autour, ce qui va créer des stimuli et des réflexes en fait chez le loup qui va parfois tuer plusieurs moutons, parfois aussi en blesser plusieurs. Et c'est vrai que pour un éleveur qui revient le matin dans sa prairie et qui voit 4 moutons tués et 3 à moitié égorgés et qui sont en train et qui doit achever, c'est un choc psychologique, je pense, très fort pour cet éleveur. Et ça peut marquer, comme je le disais, pendant des années, parfois pendant des décennies même, c'est une histoire qui se raconte de génération en génération. Oui, parce que peut-être ça n'arrive pas souvent non plus, tu vois. Tout à fait. Et surtout, il y a plus d'un siècle, ben on n'avait pas des troupeaux aussi grands, comme tu l'expliquais, on essayait de protéger au mieux son troupeau, comme c'était un peu notre trésor, notre compte épargne, hein. Donc on les rentrait, etc. Et il faut parfois réapprendre, je pense avec le retour du loup, à réapprendre à vivre avec lui. Parce que si en effet, il y a des troupeaux au milieu de la forêt, ben le loup risque de venir se servir et de venir manger quelques moutons à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il faut potentiellement un plan loup pour essayer d'avoir la meilleure cohabitation possible entre les activités humaines d'une part et entre ce retour du loup et ce loup qui est une bonne nouvelle pour la nature chez nous, pour même dans notre culture et dans notre imaginaire, hein, savoir que le loup est présent dans la forêt, ça donne une autre dimension à la forêt et ça... Ouais, c'est... Vraiment aussi de manière culturelle, je trouve ça vraiment chouette de voir cette espèce revenir chez nous. Mais moi aussi, mais souvent ceux qui sont contre le loup, ils vont te dire « oui, mais ça, ce sont les idées des urbains, ils n'y connaissent rien ». Tu vois, il y a aussi, je trouve, une manière de défendre ce loup, pas simplement avec un regard naïf, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, et c'est pour ça, je pense que... Mais aussi en Belgique francophone, je pense qu'on a le regard fort tourné sur la France, où la cohabitation avec le loup se passe plutôt mal. Pourquoi elle se passe mal ? Donc le loup est revenu au début des années 90 en France, surtout dans les montagnes, et l'État n'a pas vraiment compris la complexité de cet enjeu du retour du loup. Et il est revenu dans les alpages, où il y a justement beaucoup de moutons. Mais quoi, tu veux dire que l'État en France a laissé le loup se reproduire ? Il y a eu une loi comme quoi il ne fallait plus y toucher ou... Donc, il y avait déjà une loi, la France avait signé la convention de Berne, je pense, fin des années 80, début 90, donc il était déjà protégé le loup, on ne pouvait pas le tuer. Mais il n'a pas essayé de communiquer, il a peut-être essayé, mais pas de manière importante avec les éleveurs, essayer de dire aux éleveurs, tiens, il faudrait peut-être avoir des chiens pour protéger votre troupeau, tiens, il faudrait peut-être rentrer votre troupeau le soir. Il n'y a pas eu une bonne communication. Et donc, il y a eu vite des loups qui se sont servis dans les troupeaux. C'était quand même facile à attraper un mouton qu'une biche, un chevreuil ou un chamois qui grimpe dans les falaises. Et donc là, il y a eu vraiment une polarisation en fait, du débat où, en effet, il y avait des gens qui n'avaient pas conscience de ces prédations et de l'impact psychologique chez l'éleveur. Quand il retrouve 20 brebis égorgées et 10 blessées, ça peut être vraiment un choc très fort. Oui, mais des fois, c'est une. Parce que tu prends chaque fois l'exemple du ravage, mais ce n'est pas systématiquement comme ça, il faut le dire. Oui, et puis, il y avait un excellent article, mais je n'ai pas pu le lire en entier, dans Le Monde diplomatique de 2015, je crois, qui parlait de la situation des éleveurs, qui est aussi catastrophique dans le monde dans lequel on est, tu vois. Tout à fait. Et donc, je pense que pour certains éleveurs, c'est un peu une goutte d'eau qui vient se rajouter à un vase extrêmement rempli. Et donc, c'est très difficile de dire les bobos urbains, ils adorent les loups et ils veulent les protéger et c'est moi qui n'ai aucune aide pour protéger mon troupeau, etc. Maintenant, la France essaye de remettre un peu les choses en place, mais la polarisation est là et donc la cohabitation est plus difficile. Par exemple, si on a le regard tourné plus vers l'Est, en Allemagne, où ils ont peut-être appris un peu des Français parce que le loup est revenu au début des années 2000, donc 10 ans plus tard, ils ont tout de suite mis en place des aides pour les éleveurs, essayer de bien étudier aussi les loups, leur mettre des colliers GPS, même si c'est un peu embêtant, un peu comprendre leur comportement pour justement adapter ces mesures pour une bonne cohabitation. Et je pense qu'il est important, c'est un très bon dialogue aussi entre les acteurs et essayer d'avoir une compréhension mutuelle de chacun. Et ça c'est l'idéal, mais concrètement ça donne quoi? Concrètement ça donne quoi avec les chasseurs qui rouspètent en fait, hein, ils disent que ce loup va nous prendre nos biches en gros. Ça dépend très fort d'un chasseur à l'autre. Hein. Oui, mais c'est quoi un chasseur aujourd'hui en 2020? C'est quoi un chasseur en Belgique? Je veux dire, il paraît que c'est aussi des gens d'une certaine classe, on va dire, qui se la jouent un peu. Parce que chasser aujourd'hui, ça devient un peu de la rigolade, quoi. Tu vois ça comment, toi ? Chaque acteur a une certaine diversité. Et en effet, la chasse en Wallonie, en tout cas, c'est pas vraiment une activité de... C'est plutôt une activité de personnes assez riches, je vais dire. Et il y a bien sûr des gens en Ardennes qui chassent, etc. C'est comme si c'était devenu un terrain de jeu, quoi. La chasse, c'est devenu un terrain de jeu pour les riches, quoi. Ouais, tu vois, c'est plus vraiment... Moi, je suis pour la chasse quand vraiment, tu sais, c'est tout un art. Et encore, moi, pas avec l'arme à feu, avec l'arc à flèche. Enfin, tu vois, mais c'est tout un art, vraiment, pour se nourrir, en plus. Mais là, on n'est plus du tout, dans cet univers-là. Donc on n'est plus du tout dans cet univers-là. On se nourrit encore des herbivores qui sont chassés, hein, heureusement. Donc on a en effet des gens, c'est un peu un hobby, ils viennent quelques week-ends chasser quelques biches, quelques sangliers. Mais qui les mange, ces sangliers? Moi, je n'en trouve pas au magasin. Les biches, je n'en trouve pas au magasin. Ah, il faut aller dans les bonnes boucheries ardennaises et là, on peut en trouver. Hein. Ah ouais, vraiment? Oui, vraiment. ou aller à la fin d'une chasse et parfois on peut acheter un demi-chevreuil ou quelques kilos de sanglier, pas trop cher justement après la chasse. Mais il y a des chasseurs qui sont assez contents en fait du retour du loup. Ils se disent waouh, quand je pourrais observer peut-être le loup, il y a quand même un nouvel élément de la biodiversité. Il y a des chasseurs qui sont assez proches de la nature et qui sont contents quand je leur parle, ils sont vraiment heureux de voir le loup revenir et ils se disent tant pis s'ils mangent quelques sangliers ou quelques biches. Cela pose pas de problème. Moi, je parle plutôt de qu'est-ce qui va poser problème à ce loup de retour en Belgique. Tout à fait. Et donc, il y a certains chasseurs qui voient le loup plutôt comme un concurrent et ils sont pas très contents de revoir le loup. Le loup est protégé, donc ils ne peuvent pas le chasser. Donc ça, c'est une chose, c'est interdit Il le chasse, c'est pas de la chasse, mais du braconnage. Et il y a un risque qu'il y ait une frange minime de la population, enfin des chasseurs, qui veulent tuer le loup. Mais un loup, c'est quand même difficile à observer. La chasse, c'est souvent en groupe. Et les chasseurs, c'est souvent parfois des personnes assez fières. Donc, et qui peuvent se tirer aussi dans les pattes, va-t-on dire. Donc s'ils savent qu'un tel a tué un loup, ça va vite se savoir partout, en fait. Et donc il y a peut-être, j'ose espérer en tout cas, une surveillance par les pairs au sein de la chasse, parce que c'est souvent une activité de groupe. Et si un dans le groupe tue un loup et qu'il y en a trois autres qui le voient, ben, ça va être vite une rumeur qui risque de vite se propager, donc un risque pour le chasseur. Et, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, ben, précisément que... Mais donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut, le chasseur. Oui, il ne peut pas du tout chasser le loup parce que c'est du braconnage et il risque une amende très élevée. Il risque de perdre ses droits de chasse, de ne plus pouvoir chasser, etc. Donc, c'est un risque fort élevé pour lui. Donc, c'est une contrainte qu'il ne va potentiellement pas prendre de tuer ce loup. Et je pense qu'il y a aussi une information qui doit être faite auprès des chasseurs parce que, en fait, le loup, ben, comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup de mythes et légendes qui tournent autour. Et certains chasseurs pourraient se dire « Ah ben tiens, le loup, il va manger autant de biches et j'aurai plus rien à chasser. » Mais le loup, il a un territoire énorme, plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et dans son territoire, ben, il n'y aura que sa meute, normalement. Donc, il n'y aura pas 50 loups dans la zone. Et donc, l'impact sur les populations de grands herbivores restera faible. C'est quoi une meute? Quoi, deux, cinq? Mais, souvent, c'est le couple avec ses jeunes. Cinq? Oui, s'il a... C'est ça une meute? Sept jeunes, ben, ça peut quand même être neuf loups. Et parfois, il y a un ou deux jeunes de l'année précédente, donc ça peut parfois être un peu plus de 10 en Europe occidentale, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, c'est entre 2 et 7 loups. Et donc, là, ben, je disais la biche avec son collier GPS, et j'ai parlé de pièges photos. On sait qu'il ben, y a des pièges photos là où est le loup dans l'est de la Belgique. Et justement, on peut montrer à ces pièges photos, ben regardez, le loup est passé. Et qu'est-ce qui est passé le lendemain? Un troupeau de, enfin, une harde de 12 biches. 3 jours plus tard, 22 sangliers, etc. Et donc, on peut montrer aussi aux chasseurs que ce n'est pas parce qu'il y a le loup qu'il n'y a plus du tout de grands herbivores et que la cohabitation peut tout de même bien se passer. Et je pense que cette information est vraiment nécessaire vers les chasseurs, mais aussi vers d'autres acteurs de l'environnement. Parce que le loup, il est parfois fantasmé, il y a beaucoup de légendes, etc. Et donc je pense qu'il faut une information correcte, scientifique, pour justement bien informer l'ensemble des acteurs, que ce soit les chasseurs, mais aussi les éleveurs, que ce soit aussi ben, les personnes moins liées à la nature, mais qui sont ou moins liées dans leur travail ou leur quotidien, mais qui adorent venir se promener le dimanche et qui veulent à tout prix voir un loup, par exemple. Il faut essayer de bien informer tout un chacun et ça permettra, je l'espère, en partie une bonne cohabitation, en tout cas avec ces acteurs-là. Pour tout ce qui est éleveur, il faut aller, je pense, un cran plus loin et... En plus de les informer, il faut parfois les aider parce que le loup revient et ça peut être une contrainte extrêmement forte. Si quelqu'un avait quelques centaines de moutons au bord de la forêt, il doit potentiellement adapter ses clôtures pour que le loup ne puisse pas rentrer. Donc ça demande acheter quelques kilomètres de clôture, c'est vite plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il faut les installer, c'est vite plusieurs semaines de travail. Et l'éleveur, c'est une espèce protégée, le loup, il ne peut rien faire contre le loup. Et donc, c'est à la collectivité à prendre en charge, moins en partie, cette aide aux éleveurs. Et donc là, il ne faut pas juste informer les éleveurs, il faut aussi les élever pour que... Les élever, t'as dit. Les élever, les aider, pardon. pas du tout les élever. Les informer et les aider pour une bonne cohabitation. Et que le loup mange les animaux plutôt sauvages, les grands herbivores, et moins les animaux domestiques comme les moutons, les chèvres ou autres. Et là, je pense qu'on peut arriver à une bonne cohabitation et surtout une non-polarisation du débat. Est-ce qu'on est pour ou contre le loup? Mais c'est ça le problème. La personne qui n'y connaît absolument pas, et surtout quand on vous renvoie, oui, mais vous venez de la ville, vous n'y connaissez rien, c'est encore plus vexant, tu vois, alors que tu sens bien que quelque part... Oui. Le loup, il a sa place, quoi. L'humain, je veux dire, on était tous là à la base, alors c'est sûr que c'est pas marrant qu'on... Oui, et là, je pense aussi que ben, le loup, il est fantasmé, et que ce soit les gens des villes, les biologistes comme moi, ou les gens des villages, en fait, on y connaît assez peu sur le loup. Et en plus, on parle du loup en général, et comme je l'ai dit, chaque loup a sa personnalité. Et donc, on pourrait faire des généralités, « Oh, les loups vivent en meute et se reproduisent comme ceci, comme cela. » Et si ça tombe, l'individu-là, il fait totalement autrement, il mange pas de... il déteste manger du sanglier parce que c'est pas dans ses goûts, il mange plutôt des chevreuils. Et donc, il faut, je pense aussi, rester assez humble et dire, « Ben oui, on connaît des généralités sur le loup en général. » Mais c'est bien de savoir parfois plus précisément sur de quel loup on parle, hein, et que c'est pas parce que je viens de la ville ou du village que je connais aussi beaucoup mieux les choses que les autres. Il n'y a pas eu des personnes qui ont se sont penchées sur le loup J'imagine que oui. Ah oh, oui, il y a beaucoup. On n'y connaît rien, mais c'est sûr. Mais celui qui veut vraiment se pencher sur la question. Oui, on connaît beaucoup de généralités sur le loup. Et il y a pas mal de grands scientifiques qui suivent le loup, que ce soit en Italie, même en Biélorussie, au Yellowstone. Hein, on voit beaucoup de reportages et là, ils sont super bien suivis. Et donc, on connaît pas mal de choses, mais chaque loup a sa personnalité. Donc, voilà, on connaît les généralités, mais il peut toujours avoir des exceptions. Et on ne connaît pas vraiment le loup en Belgique. Il y a des loups depuis quelques années chez nous. Est-ce qu'ils savent traverser les autoroutes chez nous? Est-ce qu'ils peuvent, de quelle proie ils vont se nourrir? Est-ce qu'ils vont beaucoup attaquer les troupeaux, etc. Et là, on voit déjà que certains loups attaquent quasiment jamais les troupeaux et d'autres sont un peu plus téméraires et les attaquent parfois. J'imagine que ça dépend du gibier sauvage qui se trouve aussi. Tu vois, c'est ouais, tout ça qu'il faut réguler. Même, on voit, il y a un couple de loups dans le Limbourg. Et c'est plutôt le mâle qui attaque les moutons et jamais la femelle. Donc même dans le même environnement, il y a, comme je le disais, des personnalités différentes. Et donc c'est assez bien de connaître un peu ces loups et de suivre un peu leur comportement et que des scientifiques se posent vraiment là-dessus pour mieux comprendre comment mieux cohabiter. Parce que toutes ces informations sont extrêmement utiles pour une bonne cohabitation, une bonne information aussi. Parce que si on dit des généralités et qu'après le loup agit différemment, on perd beaucoup en crédibilité. Et donc, voilà. Comme chaque loup a ses personnalités, c'est parfois un peu complexe ouais, s'il ne rentre pas dans ses généralités, ça se pourrait. Et alors là, c'est moins crédible vis-à-vis des acteurs, que ce soit les éleveurs, les chasseurs ou le grand public. Voilà. Moi, j'ai envie de donner mon avis, mais sans... C'est que quelque part, le loup, si on veut vraiment savoir comment il fonctionne, parce que j'entends bien ce que tu dis, hein, les loups, il y a des loups différents, ok, mais je veux dire, il y a l'organigramme de la famille, là, enfin, tu vois, la culture familiale du loup, bon, si on veut vraiment connaître, il y a déjà eu des choses. Tu sais, on dit par exemple que ça vit en meute, ça ne vit pas tout seul. Enfin, c'est le loup a une très belle philosophie de politique de sa manière de fonctionner. En fait, et j'ai déjà entendu des choses magnifiques par rapport à son groupe, quoi. Tout pas à toi fait. Oui, oui. Et par exemple, là, on avait par rapport à la meute, on a beaucoup étudié les meutes, mais on les avait étudiées dans les zoos parce que c'est facile là d'étudier les meutes. Et donc, il y avait le loup alpha, le mâle dominant. Il y a le bêta assez fort, mais qui est dominé quand même par le alpha. Et puis l'oméga qui était plutôt attaqué. C'était un peu le souffre-douleur de la meute. Mais en fait, si on y réfléchit et on commence à le comprendre depuis quelques années, si on ouvre les clôtures du zoo, ben, l'oméga, il va foutre le camp à quelques centaines de kilomètres. Et donc, en fait, dans la nature, cette meute, elle est souvent différente et on le redécouvre seulement maintenant. Et donc, parfois, il y a des généralités qui sont en train d'être compensées. Ah, ben, certes, c'est vraiment il y a toujours l'alpha, le bêta, l'oméga et le clan est comme ça. Ben, non, c'est plutôt un couple reproducteur et les jeunes. Et les jeunes, ben, bien sûr, ils sont un peu soumis à leurs parents. Et donc, voilà. Donc, parfois, il y a quand même des nouveautés, des découvertes. Là, par exemple, on remarque qu'il y a un chercheur en Biélorussie qui a montré que dans la meute, il peut parfois avoir plusieurs reproductions, notamment quand le taux de survie des loups est assez faible. Par exemple, s'ils sont chassés, ils peuvent s'adapter. Ils se disent, waouh, il y a quand même beaucoup de proies, il y a beaucoup d'espace. Il y a plusieurs reproductions et pas seulement une reproduction. Et donc, on voit qu'il y a quand même une variabilité assez forte. Un peu comme les humains, au fond. Oui, et comme toutes les espèces, si ici dans la forêt, s'il y a beaucoup de chenilles, peut-être que la mésange va faire plus de jeunes. Hein, et donc, ils sont peut-être pas opportunistes, mais ils savent s'adapter, ils sont assez flexibles, comme ça. Voilà. Il reste 3 minutes pour dire quelque chose qu'on n'aurait pas dit, qu'on n'aurait pas soulevé. Tu vois quelque chose? Oh, ben, ouais, ben, pour le loup et la meute, pour en revenir là-dessus, il faut savoir que le loup est aussi assez territorial. Et donc, il va avoir un grand territoire qui va bien marquer avec son urine et ses déjections. Et il n'accepte pas vraiment d'autres loups sur ce territoire. Il peut même tuer un autre loup qui passerait par là. Hein, c'est déjà arrivé. Et donc, il n'y aura jamais vraiment de surpopulation de loups. Parce que s'il n'y a plus de proie, ben, les jeunes vont aller voir ailleurs. Il y aura son territoire qui va protéger. Et il va toujours s'adapter à la situation, à son environnement. Et s'il y a énormément de grands herbivores, ben, les territoires seront plus petit, peut-être 100, 200 km². S'il y en a moins, ils peuvent être gigantesques, plusieurs milliers de km². Et donc, le loup, il peut vraiment s'adapter à de nombreuses situations. Et parfois, on fantasme le loup comme l'animal le plus sauvage, le plus emblématique, qui vit au loin, reculé dans la forêt. Mais pas nécessairement. Depuis quelques jours, il y a un loup dans la province d'Anvers, et il était plusieurs fois photographié, il est plutôt dans les prairies. C'est sûrement un loup en dispersion qui ne va pas s'installer là, mais il peut parfois vivre, pas comme le renard au milieu des villes, mais il peut s'adapter et vivre dans des endroits où l'humain est bien présent. Mais dans l'est de la Belgique, il y a quand même pas mal de touristes, dans les Hautes-Fagne, etc. Mais le loup, il s'installe là. Dans le Limbourg, il y a une densité de population fort élevée, il y a beaucoup de routes, etc. Il y a un couple de loups aussi. Et donc, il ne faut pas nécessairement non plus fantasmer le loup comme l'animal le plus sauvage et le plus... Il faut juste être réaliste et se dire, tiens, le loup peut s'adapter à de nombreuses situations. Et on remarque en Espagne ou en Allemagne, qui peut même vivre dans les plaines agricoles où il n'y a quasiment pas de bois, où il y a quand même pas mal de chevreuils. Et voilà, il vit quasiment plus en forêt, mais plutôt dans des plaines agricoles intensives. Et donc, oui, c'est assez curieux et on se demande un peu dans le futur jusqu'où il pourrait s'adapter aux contraintes humaines. Et si un jour... Le croiser dans le métro. Ouais, ou rouge-cloître peut-être, hein, ici sur le petit Caillebotti. Mais ici, il n'y a quand même pas beaucoup de proies. Il y a quelques chevreuils, quelques dizaines de chevreuils en forêt de Soigne, mais ce ne serait pas suffisant à long terme pour une meute ou même un seul loup. Et donc là, oui, il y a bien sûr des contraintes... De ressources alimentaires pour l'espèce, et il ne peut pas vivre partout parce qu'il n'y a pas simplement pas assez de proies. Donc, voilà. Merci à toi, Corentin. J'avais dit comment au début? Quentin. Pas de souci. Merci à toi. Avec plaisir. Oui, la dernière question, c'était comment tu as fait, Corentin, pour te renseigner sur l'histoire du loup et la vraie histoire et comment fonctionne le loup, tu vois, ça m'intrigue. Mais donc, il y a en effet beaucoup d'informations disponibles, que ce soit sur le net, dans des livres sur le loup. Et il faut parfois faire un peu le tri parce que voilà, il y a des études dans les zoos, comme je dis, qui ne sont pas toujours fiables dans la nature. Donc, il y a quand même quelques livres sur l'écologie du loup, que ce soit en Amérique du Nord ou même chez nous en Europe. Et. Je trouve les endroits les plus fiables, c'est parfois ceux de l'administration, parce qu'ils essayent d'être plutôt neutres, ils ne sont pas avec les chasseurs nécessairement, ni avec les naturalistes, ni avec les éleveurs, ils sont neutres. Et donc, ils ont une information plus ou moins correcte la plupart du temps. Et par exemple, il y a un site web français qui est assez bien fait, l'Observatoire du loup, Réseau loup, quelque chose comme ça. Donc, en tapant ça, on peut le trouver. Sur le site de la région wallonne, biodiversité.wallonie.be, on peut trouver aussi des informations. Et donc voilà, il faut essayer de se référer à des acteurs qui semblent neutres et pas extrêmement naturalistes et qui mettent le loup sur un super piédestal. Ou l'inverse. Mais moi, j'aurais plus tendance à coller cette étiquette à l'administration, moi, puisqu'il y avait cette idée, tu vois... du lobby de la filière ovine, donc l'administration, elle devait faire tout pour que... Non, parce qu'ils doivent aussi répondre à, non, pour que, à la protection pour, de la nature. Pour éradiquer le loup. Non, l'administration doit... Il y a la législation européenne, la convention de Berne, les lois nationales qui protègent le loup. Aujourd'hui. Et donc, ils doivent essayer de... Derrière. Bien que la cohabitation se passe au mieux. C'est vraiment leur objectif. Et souvent, ils ont une information qui est fiable et assez neutre, scientifique, pour justement, elle est scientifique pour ne pas être critiquée par l'un ou l'autre acteur. Donc, il se réfère à des études scientifiques très valable et c'est... on peut raconter n'importe quoi en même temps, les scientifiques, ils peuvent raconter n'importe quoi. Non mais voilà, de toute façon, on est obligé de couper, mais l'administration, évidemment, elle on vit aujourd'hui que ça cohabite, mais dans l'histoire, puisque ça fait un siècle que le loup il a été éradiqué, il a fallu toute une logique... Et toute une administration aussi pour mettre ça en place, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et en France, on voit qu'il y a toujours les lieutenants de louveterie qui peuvent être appelés pour tuer des loups. Ça existe encore. Donc, en effet, parfois, l'administration ne semble pas si neutre et il y a toute une histoire derrière à prendre en compte. Et la meilleure des choses, c'est de lire plusieurs sources, de croiser les ressources et de rester, bien sûr, critique vis-à-vis de toute cette information qui est disponible.